Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux aujourd'hui. En lançant l'appel, on ne pensait pas que vous seriez autant. Et ça fait vraiment plaisir. Black Lives Matter. Nous sommes ici parce que nous voulons justice. On en a marre, on est tués, la police nous tue, la police est raciste. Vous avez tous entendu les enregistrements sortis hier. On en a marre, ça suffit maintenant. Nous sommes dans les rues parce que les médias ne nous relaient pas. C'est à nous de prendre la parole. Dès aujourd'hui, maintenant, c'est le temps de la révolte. S'il vous plaît, dès à présent, nous aimerions bouger vers le commissariat situé à Beauvoisine. Des pancartes. Des pancartes et des affiches ont été créées avec le nom de toutes les personnes qui ont été victimes de la police. Nous devons le montrer, montrer notre mécontentement. Ça ne suffit pas de défiler, il faut le montrer. Ouais. Je vous demande là, pour avancer, les femmes devant, pour éviter toute bavure. S'il vous plaît, elle a raison, les femmes devant. On veut éviter toute bavure. Nous ne voulons pas de la violence. Exactement, on ne veut pas de la violence. On veut être entendu, on veut être écouté. Voilà. On ne veut pas les être tué. On en a marre, on en a assez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour que la manifestation soit propre, parce que nous ne voulons pas de bavure, parce que nous savons que la police infiltre des casseurs parmi nous, que toutes les femmes se mettent devant, ok? Toutes les femmes devant, c'est important, les femmes devant. On voit comment cette situation. Tous rendez-vous au commissariat de Beauvoisine. Voilà. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Thank you. il y a une très grosse manif qui remonte toute la rue centrale de Rouen, la rue Jeanne d'Arc, pour aller du palais de justice jusqu'au commissariat central, avec plein de jeunes des quartiers populaires de Rouen, vraiment beaucoup de monde, avec plein de pancartes. La police tue, notre silence est en terre, justice pour Adama, silence égale violence. Black Lives Matter, on se bat depuis trop longtemps. Can we breathe now? Abolissez la police. Plein de petites pancartes faites juste sur des bouts de carton en fait, qui sont portées par énormément de monde. Jusqu'à quand? Avec la mention aussi de plein d'hommes tués par la police les années précédentes. Abdelhakim, Hatimi. Abou Bakri Tandia, Adama Traoré, Ziad Bena, Ali Ziri. Et encore, il y en a au moins 200 plus. Ouais. Je ne peux pas tous les lire là, c'est sûr. C'est une petite partie, encore vraiment une toute petite partie. Pas de justice, pas de paix. Je ne suis pas votre ennemi, votre animal, votre proie, votre bétail. Il y a des fourgons de police qui sont là. reflux massif. Tout le monde court. Il y a des gaz. Il y a des gaz qui ont été lancés à la tête de la manif. Tout le monde reflue. Apparemment, c'est parti pour les grenades. La police essaye de faire refouler la manif vers le centre, en fait, d'éloigner du commissariat. Non. Ouais, bah, ils font refouler tout le monde vers le centre-ville. Bonjour, vous voulez dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Bah écoutez, on est là pour se battre pour les violences policières, pour le racisme, pour l'égalité, pour la paix. On est là pour plein de choses, pour se battre pour tout ce qui se passe dans les autres pays, pour ce qui se passe en France, pour ce qui se passe en Amérique, pour essayer de faire bouger les choses et voir si ça va changer quelque chose. On essaye de manifester de façon pacifique, mais bon, il y a toujours des problèmes. Et là, je vois un petit bébé tout jeune, c'est protégé ça, par c'est un ça. Voiture, voilà. Bah voilà, c'est ça. Il vient d'avoir des lacrymos, là. Exactement, ouais. Même en étant maman, j'essaye quand même de venir manifester, parce que bon, voilà, c'est ma fille, elle est métisse, elle a quand même du sang noir aussi, et c'est pour elle aussi que je me bats aujourd'hui, que je marche aussi, parce que c'est sa génération future, et c'est pour ça qu'on est là. On est là, et voilà. On restera. Revendiquer ses droits, c'est pas... Exactement, c'est ça. Elle peut pas le faire, alors je le fais pour elle, pour son futur, et pour le mien aussi. Pour un monde meilleur, on y croit et on verra si ça fonctionnera. Voilà. Et madame, vous êtes la grand-mère ? Oui, je suis la mère. Ouais. Oui. Vous avez aussi une vision de l'histoire de ces luttes ? Ça dure depuis longtemps, ces luttes, non ? Oui, ça dure assez longtemps. Et en plus, comme il y a mon fils qui est à Californie aussi, alors tout ça aussi, on lutte aussi pareil pour ça, pour la paix dans le monde et voilà, et que ça change. Lui, il manifeste là-bas et vous ici ? Oui, il manifeste là-bas, oui. Ok. Est-ce que vous voulez donner vos prénoms toutes les deux ? Moi, c'est Karima. Et moi, Nina. Merci à vous deux. Je vous remercie. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. J'espère que vous allez faire passer un bon message. Radio associative. Enfin, je ne suis pas BFM, je suis une radio associative. Encore heureux, parce que ce serait dommage. Parce que là, c'est dommage. Hein, ce qu'ils font, là. Parce que tout se passait bien, en fait. Ouais. Là, on est en train de redescendre parce qu'ils ont sorti directement l'artillerie lourde. Tout à fait. Et il faut bien préciser que ce ne sont pas les manifestants, mais la police, non, malheureusement. Ils ont protégé le commissariat. Les détonations sont parties tout de suite. Mais bon, est-ce qu'il avait vraiment été agressé ? Je sais pas. Je crois qu'on avait pas ça crée des mouvements de panique. Non. C'est dommage. Ouais. Vous voulez dire pourquoi vous étiez là aujourd'hui ? À part solidarité, parce qu'il est temps que les choses évoluent. Et que le monde évolue aussi, surtout. Un peu plus d'humanité, ça nous fera pas de mal à tous. Merci.